Les codés nous prenaient en photo. Aujourd'hui je prends des photos avec Jean. La rien à foutre de ta boîte, mais les videurs s'écartent quand je rentre. Elle m'a vu sur YouTube. Quand elle me voit, elle écarte les jambes. Les anciens perdent la boule. J'en de la cage à boule. Je récupère ma fouille. Complètement rien à foutre. Genre chez moi, j'ai percé mais je reste le même. Il a soit un bloc dans la bouche pour qu'ils comprennent. Stop, arrête, place un cut. J'éterre depuis placenta. J'rentre, moi je veux pas faire la tête. Au bout d'eau j'évite le drame. Pif, pif, arme, kilogramme. Vrai, bal, zéro, drame. Je qui, je suis le braille. Gros, frappe, se lève pas. Certains rêves manquent à l'appel, reviennent quand c'est l'heure de la paye. Oh, mon cœur s'abîme, j'ai battu ma hache dans la cabine. On trouve mon choqué sur la capi, enfoiré la rue n'achète plus mes habits. Pull up dans le quartier, pilote au karting sur ton parapluie, voyons ta calgire. On s'en fout de ton avis, c'est les grands des grands qui l'a amené ta calgire. À l'ancien non pipe, no life, quand tu dans la tête avec ta bête, de là. Lui il est plus trop là, et regarde quand il y a grave du monde. Bonhomme, c'est l'homme qui fait la tête, si c'est la tête qui le trompe. Embrouille coup de pompe, embrouille coup de croque, embrouille coup de couteau, embrouille coup de chat. Besoin d'un coup de pouce, toi. Évidemment, ce truc est plus serein. Ouais, allez, pousse-toi, tu mérites pas un salaire, mais j'ai envie de te dire que.